sont apportés d'écran. La phrase statique, qu'est-ce qu'on attend? Allez, ça y est, c'est le bon choix. Et tout le monde danse dans la lumière. On attend beaucoup de la médecine. On a confiance en la politique. Métropolis, allons, je glisse. Métropolis, allons, je glisse. Les gens sont bons et ils vous aident. Ils viennent de sortir du casino. En coupure de sang à la lavocateur. On gonfle à l'hélium. Et le cul est partout, sans que le sexe soit nulle part. On nous a fait croire à la fin des tabous. C'est la mascarade aux 6 milliards d'acteurs. Vas-y, mollo, sur les hormones de croissance foncée. Tu vas gagner, pas la peine de primer, pas la peine de filmer. Autocensure, serrer la ceinture. Métropolis, allons, je glisse. Métropolis, allons, je glisse. Métropolis.